Et ya, Dundee Bon et tout off. Pour DJ Wolverine, le rap n'est pas mort. Volume 2, c'est une confection artisanale. Un pur produit du terroir, label de qualité, ça vient des bas-fonds, pas des manoirs. Hip-hop, philosophie, une culture, une façon de vivre, une façon de penser qui ne s'apprend pas dans les livres. Sur le macadam, dans les halls, sur les dalles, c'est le vécu des tiens. Ici, personne ne sait que dalle, savoir, personne ne le détient. Pas de pouvoir des jeunes aux anciens, ni français, ni ricains. Ma culture, c'est l'âme du bitume, pas l'art des mondains. Nos pinceaux sont des bombes, nos plumes sont des bites, nos vers de la souffrance et hardcore est notre classique. JB remplace le chant, Greg conquise le caviar. Toujours bien combiné, le survêt à l'instar du costard, aller dans la soie. Mais entre tours, dalle et béton, pas méchant en soi. Mais très vite, on apprend à ne plus être trop con. Quelle direction prendre ? Quand t'as 15 piges, tu sais rien faire, t'es 10 neurones. Le hip-hop, ma solution pour sortir de ma zone. Une révolution auditive, écoute la société, sur cette arme et je l'ai où là. C'est une réaction impulsive, mais y'a quoi explosif. Mais sans ça, je vais devenir quoi. C'est une révolution auditive, écoute ça, goûte ça. Hip-hop révolutionnaire, finable la résistance auditive. Aujourd'hui trop de mercenaires, verbal à l'existence fictive. Mon rap sort des caves, des halls, du gouffre. Aujourd'hui personne souffre, t'inquiète les vrais foutent encore le barouf. Encore trop de choses à dire, trop de choses à dénoncer. Trop de préjugés à enfuir, encore trop de portes à défoncer. Trop de potes à faire kiffer. Avec du Will Hip-hop, pas de teen pop star. Mais des old in starting block, des halls, des blocs. Faut plus de rap fantasy, corrompu par Babylone. Avec un certain type d'aphasie, sous forme de phase à outrance. Trop texte et vide, trop de raclons, plein d'arrogance. Trop de style, trop vide et sous la pas du gain. Avec le diable on pactise, moi je revendique. Ni pute ni soumise. Rien à foutre de ton disque d'or, rien à foutre de tes milliards. Mon blason est d'accord, hip hop est en d'art. C'est une révolution auditive, écoute ça, sensitive. Sur cette arme et je l'ai où là. C'est une réaction impulsive, et y'a quoi explosif. Mais sans ça je vais devenir quoi. C'est une révolution auditive, écoute ça, goûte ça. Sur cette arme et je l'ai où là. C'est une réaction impulsive. Y'a quoi, mais sans ça, j'serais devenu quoi. Hip-hop concession, y'a plus que du rap convention. Conditionné sous la confession urbaine et ses définitions. Trop texte et diction, aux arrière-goûts de sédation. À quand le retour du Will Hip-hop, à quand une réelle sédition. Hip-hop contention, on veut du rap conscient. Ceux qui dénoncent se révoltent de Babylone et ses contentieux. Plus de texte mal condensé, même si c'est pour condense. Faut plus de trop tendance, rime qui tombe d'évidence. Mourir debout pour ne pas vivre à genoux. Hip-hop patriotique, rap instinctif, style intuitif, homo arthotique. Le mouvement de grand moi, je veux t'en parler, je suis l'un de ses principaux acteurs, la preuve, personne te connaît. Réserviste de l'armée des hommes progressistes, prends Henri Marcor qui est ton rebelle, récidiviste, agitateur de conscience pour certains, terroriste, objecteur de conneries, mec, c'est l'âme activiste. Révolution auditive.